Les petites histoires de Telmi. Un été incroyable, épisode 4, le mot mystère. Guetter le passage du facteur, c'est une discipline olympique pour mon cousin et moi. À 8h42 précise, on est sur le pas de la porte. Et dès que la sonnette du vélo retentit, on pique un sprint de folie. Je gagne toujours, mais cette fois, Iliès touche à le portail en même temps que moi. Alors, qui a gagné cette fois ? Personne. Ah, ça promet une belle revanche demain. Et c'est peut-être un signe. Comment ça ? Aujourd'hui, j'ai une lettre qui vous est adressée à tous les deux. On n'en croyait pas nos oreilles. Personne ne nous avait jamais écrit ici. Alors à nous deux, c'était impossible. Et pourtant, le facteur nous tendit une grande enveloppe marron. Nos deux prénoms étaient griffonnés au stylo bille. T'as une idée de qui ça peut être ? Aucune. On connaît personne qui nous connaît tous les deux. Sauf Arthur. Mais on le voit tous les jours. Alors qui ? Vous le saurez en ouvrant. Vous me rencontrez demain ? On examina l'enveloppe sous toutes les coutures. À part nos deux noms, elle était parfaitement vierge. À l'intérieur, un petit truc se baladait. Je l'ouvris avec le plus de précaution possible. Il contenait une petite clé et une lettre blanche, sans la moindre trace de stylo. C'est quoi cette blague ? Il y en a qui ont vraiment du temps à perdre. C'est trop bizarre. Peut-être que ça cache quelque chose. Comme quoi ? Il n'y a rien écrit dessus. Je sais pas, mais pourquoi quelqu'un qui nous connaît pas nous enverrait une feuille blanche accompagnée d'une clé ? On entendit un vélo arriver. On le reconnut direct, c'était Arthur. Il dérapa devant le portail, rouge comme une tomate et à bout de souffle. Hé, hey, vous ne me croirez jamais ! Ce matin, j'ai reçu... Il sortit une enveloppe marron de l'arrière de son pantalon. Il y avait une clé et une feuille blanche ? Hein ? Comment tu le fais ? C'était impossible, impensable, incroyable ! On avait reçu le même jour la même enveloppe d'un mystérieux expéditeur. Et si c'était un test ? Une épreuve ? Pour rejoindre une agence d'espions super secrets ou bien devenir des super-héros ? T'es un génie, Arthur ! Vraiment ? Si c'est bien une épreuve, ces lettres contiennent un message invisible. Vu la tête des garçons, ils me prenaient pour une folle. Mais j'étais presque sûre d'avoir raison. La maîtresse avait organisé un atelier aventurier en herbe. On avait appris plein de trucs, notamment à faire de l'encre invisible. Tout ce qu'il fallait, c'était du jus de citron. Il suffisait d'y tremper une plume, un cure-dent ou un coton-tige, d'écrire et de laisser sécher. Pour faire apparaître le message, il suffisait de passer la feuille au-dessus d'une source de chaleur, comme une ampoule ou la flamme d'une bougie. Comme je n'avais pas du tout envie de les brûler, on fonça dans le salon pour démonter l'abat-jour d'une lampe. On l'alluma, attendit de longues minutes qu'elle chauffe bien avant de passer la lettre dessus. « Vous qui avez reçu cette lettre, serez-vous digne de m'aider ? Si vous le pensez, trouvez la plume argentée près de l'endroit où se trouvent les bateaux miniatures. Marchez 100 pas vers le sud-ouest pour trouver d'autres instructions. L. D. » Regardez en dessous de la signature, il y a une sorte de tampon. Je suis sûr que c'est le symbole d'une organisation super secrète. Avec une tête de mort qui porte un chapeau, je crois que c'est un pirate. On regarde ta lettre, Arthur. Vous qui avez reçu cette lettre, serez-vous digne de m'aider ? Si vous le pensez, trouvez une griffe dorée où les plus jeunes peuvent faire des cabrioles sans crainte. Marchez 20 pas vers le nord pour trouver d'autres instructions. LD. Le premier endroit, c'est le bassin au bateau. C'est super évident. Et le deuxième ? L'air de jeu du parc ? Ça peut être aussi la plage, non ? Ah oui, peut-être. On va au bassin alors ? Pas sans une boussole. Je vais demander à maman si je peux emprunter son téléphone. Non ! LD dit qu'il faut se montrer digne. Alors pas d'aide des parents. Mais où est-ce qu'on va trouver une boussole ? On va en fabriquer une. Tout ce dont on a besoin, c'est d'une épingle, d'un aimant, d'un morceau de liège et d'une tasse remplie d'eau. Face à leur tête de dindon, je leur fis une démonstration avec un magnète pris sur le frigo, une soucoupe qui traînait sur l'évier, une épingle dans sa boîte à couture et un morceau de bouchon. Il suffisait de remplir la soucoupe d'eau, d'y déposer le morceau de liège, puis de frotter au moins 50 fois l'épingle avec l'aimant du magnète avant de la déposer délicatement sur le morceau de liège flottant. L'épingle tournoya quelques instants et s'arrêta pour indiquer le nord. Les garçons m'ont regardée comme si j'étais la plus grande des aventurières du monde. On avait tout ce qu'il fallait pour mener à bien notre quête. On enfourcha nos vélos, direction le bassin. Idéalement placé sur la promenade au bord de la plage, l'endroit grouillait d'enfants qui s'amusaient comme des fous avec leurs bateaux télécommandés. Par chance, il était encore trop tôt. Il n'y avait qu'un petit blondinet, accompagné par son papy. Il jouait avec un énorme voilier en bois. Ils ne doivent pas se douter qu'on cherche un truc. Ça va faire diversion. Comme si de rien n'était, Arthur alla faire la causette. Ce moulin à paroles savait mieux que personne détourner l'attention avec ses cascades de questions. On pouvait fouiller les environs sans s'inquiéter. De mon côté, rien ne ressemblait à une plume argentée. Psst ! Lana ! Regarde ! La plume était plantée au beau milieu d'un buisson touffu. Sans attendre, je sortis le matériel et montai ma boussole. L'aiguille pointait la grande rue qui menait au parc. On fit signe à Arthur de nous rejoindre. Vous avez la plume ? Non, on l'a laissée sur place. Mais pourquoi vous ne l'avez pas prise ? Elde ne l'a pas dit. Mais si d'autres la trouvent ? On aura de l'avance. Et puis, voler un indice, ce n'est pas très digne. Nos 100 pas nous menèrent au cœur du parc, là où les vieux jouent aux boules. Ils étaient déjà une dizaine à discuter des matchs, l'air sérieux. On se sépara pour couvrir la zone, sans trop savoir quoi chercher. Ilyès s'arrêta près du petit local de l'amicale bouliste. Psst, venez voir. Sur la porte, une boîte aux lettres blanches était vissée. Très discrètement, dans le coin droit, on avait tamponné une tête de mort coiffée d'un chapeau. Ilyès prit la clé et l'enfonça dans la serrure. Oh, la boîte aux lettres s'ouvrit. À l'intérieur, une simple feuille pliée en quatre. Maurice, mon fidèle second, m'a averti qu'il a caché des pièces d'argent dans le jardin de la mairie. Quand vous en aurez trouvé 10, asseyez-vous sur un banc en tailleur. Quelqu'un viendra vous donner de nouvelles instructions. LD. Il replia le message, le remit dans la boîte aux lettres qu'il referma à clé. Hey, vous croyez qu'on va rencontrer LD à la fin ? J'espère. Vous pensez qu'il reste encore beaucoup d'étapes ? Taisez-vous ! Les roitelets des sables approchaient. C'est le nom qu'on a donné aux trois affreux nigauds en claquettes chaussettes. C'était leur deuxième été ici. Leur passe-temps favori ? Ennuyer les enfants sur la plage. Il n'y avait qu'un moyen d'être tranquille, leur donner un goûter. Et vu la taille de leur ventre, les affaires marchaient fort. Alors, les nabos, vous faites quoi ici ? On se balade, on n'a pas le droit. C'est pas votre royaume ici. Pas encore, princesse. Nous, on se balade pas. On est sur la piste d'un trésor. Vous avez rien vu d'étrange ? Comme si on allait faire attention aux détails. On passait juste en souvenir de notre papy. Il adorait jouer ici. Alors dégagez ! On veut pas de gêneurs. Ils étaient trop fiers pour se douter de quoi que ce soit. On s'éloigna tranquillement en essayant de contenir notre joie. Mais dès que le trio d'idiots fut hors de vue, on se rua vers la mairie. Le jardin de la mairie offrait une magnifique vue sur la mer et un accès direct à la plage. Nous étions seuls. L'assistant de LD ne s'était pas appliqué à cacher les pièces. En moins de 2 minutes, on en avait 10. On s'est assis bien sagement en tailleur sur un banc. Quelques instants plus tard, un géant, très fin, tout de blanc vêtu, le visage maquillé comme un mime, s'est planté devant nous en faisant mine de regarder sa montre comme s'il attendait quelqu'un. « Vous êtes là pour nous donner de nouvelles instructions ?» Le géant haussa les épaules et tendit les mains vers nous, paume vers le haut. « Vous voulez voir les pièces ?» Le mime hocha la tête. On lui montra notre butin. Il sourit en applaudissant sans faire le moindre bruit, puis il leva un index en l'air. « On va devoir deviner la prochaine destination ?» Nouvel applaudissement silencieux, nouvel index levé. Le géant mima une serviette qu'on secoue avant de l'étaler soigneusement à terre. Il s'allongea comme s'il profitait du soleil. « La plage ! Il faut qu'on aille sur la plage !» Le mime se redressa en levant un pouce en l'air. Au même moment, le gang des roitelets déboula en sueur. Dès qu'ils nous aperçurent, ils foncèrent à notre rencontre. Mais courir en claquette n'est pas une riche idée, et ces crétins s'étalèrent dans les rosiers. On en profita pour filer. On n'eut pas à chercher bien longtemps. Au milieu de la plage, juste au bord du chemin en bois qui permet de la traverser sans se brûler les pieds, se dressait une petite tente blanche. Elle abritait un petit stand avec des glaces, des gaufres, de la limonade, des caramels et des tas de bonbons. Un petit bonhomme malicieux se tenait derrière. Il était coiffé d'un chapeau haut de forme blanc, portait un costume en lin blanc. Ses moustaches géantes faisaient des loopings. Il tenait à la main une jolie canne surmontée d'un crâne rieur. « Monsieur le maire ? L.D. Laurent Dussemain ? C'est vous qui avez organisé cette chasse au trésor ? » ?»« Une petite surprise pour vous occuper en cette belle matinée. Vous n'auriez pas quelque chose à me donner ?» On lui montra nos pièces. Les roitelets surgirent, tout écorchés et transpirants. « Nous aussi, on en a !» « Oh oh oh ! Je suis désolé, mais il ne peut y avoir qu'un seul grand gagnant !» Le maire sortit une énorme liasse de tickets argentés qu'il agita comme un éventail. « Le premier prix n'est autre que des friandises gratuites pendant toute la durée de l'été. Ces tickets magiques vous permettront de choisir celles que vous voulez dans n'importe quel magasin du village. » On explosa de joie. Les roitelets nous foudroyèrent du regard. « Que diriez-vous de prendre une photo pour le journal ?» Le lendemain, on eut droit à notre quart d'heure de gloire. La gazette locale titrait « Les nouveaux Sherlock résolvent le défi de la lettre mystère en un éclair ». J'espère que cet épisode d'Un été incroyable vous a plu. Une activité à télécharger accompagne cette histoire. Le lien de téléchargement se trouve dans les notes de l'épisode ou sur telming.com/été. telming.com/été. Retrouvez la suite des aventures de Lana, Iliès et Arthur jeudi prochain. Cet épisode a été écrit par Mathieu Genel, Karine Texier et Arnaud Guillou l'ont raconté, Olivier Danchin l'a illustré, prise de son Abel Chéré, montage et mixage Celle-ci en Langlois. Salut, c'est Marie Bongard. Cette semaine, mon podcast Une sacrée paire d'ovaires fait partie de la sélection Acast recommande. Dans Une sacrée paire d'ovaires, je te raconte les vies de grandes femmes oubliées de l'histoire. D'Alice Milia, qui permit aux femmes de participer aux Jeux Olympiques, aux Guerilla Girls, qui veillent à la diversité dans le monde de l'art, en passant par Septima Clark, militante des droits civiques. Retrouve-moi les lundis pour en savoir un peu plus sur ces parcours incroyables. Une sacrée paire d'ovaires est disponible sur Acast, évidemment, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute !